production. J'avais trouvé ma fée, j'avais trouvé mes ailes, j'avais trouvé ma clé. Mon caprice, rien n'est jamais bon, mais là j'écris, est vrai. Cette prod c'est comme ma vie, elle est triste et belle. Face à ce verre vide dans lequel j'tise mes peines. Au-dessus de la ville, j'vois le bon caprice, est faible. Rien n'est jamais bon, mais là j'écris, est vrai. Cette prod c'est comme ma vie, elle est triste et belle. Face à ce verre vide dans lequel j'tise mes peines. Au-dessus de la ville, j'vois le bon caprice, est faible. Rien n'est jamais bon, mais là j'écris, est vrai. L'appart est vide, les cartons pleins, triste et j'emménage. De la poussière dans les méninges, qui tu nos ménages. Mon cœur bat les bosses à craint, mon champ bat les pages. Je revois le sourire tes gosses, le tien, nos chambres à l'étage. Ta main dans la mienne, ton mascara sur mon pull. Nos photos, je peux pas les têche, ni les témas non plus. J'ai mal alors je me noie, enterré dans la bulle. Putain, ça fait des mois que je me suis enfermé dans ma bulle. Ouais, je me bute et ça passe, que je vis plus, ça se voit pas. Mais qui a buté ma place, putain, mal interne. Je veux pas de pute à ta place. Eric, tu sors rafale, une vie de plus dans la vase et j'éteins ma lanterne. Pas un jour sans y penser, faudrait que je pille avant continue. L'ombre de moi-même ne s'est jamais senti aussi nul. J'ose pas te le dire alors j'écris, je ne vois pas de beau signe. C'est pas une question de fierté, plutôt d'impossible. Cette prod c'est comme ma vie, elle est triste et belle. Face à ce verre vide dans lequel j'tise mes peines. Au-dessus de la ville, j'vois le bon caprice est faible. Plus rien n'est jamais bon, mais là j'écris, est vrai. Cette prod c'est comme ma vie, elle est triste et belle. Face à ce verre vide dans lequel j'tise mes peines. Au-dessus de la ville, j'vois le bon caprice est faible. Plus rien n'est jamais bon, mais là j'écris, est vrai. J'avais trouvé ma fée, hey. J'avais trouvé mes ailes. J'avais trouvé ma clé, hey. J'avais trouvé ma belle, ma belle, ma belle. J'avais trouvé ma fée, hey. J'avais trouvé mes ailes. J'avais trouvé ma clé, hey. J'avais trouvé ma belle, ma belle, ma belle. Là je suis bourré comme tous les jours, je sais pas s'il faut que j'en parle. C'est ma tournée, j'ai le mal d'amour, je vois des poussettes quand les gens passent. On a tous deux vécu ce genre de bail de grande ébauche. Si je me sens moche, c'est parce que c'est tes yeux qui me rendaient beau. L'impression qu'une championne olympique me tire de poids. J'avoue c'est pas facile de remonter l'ascenseur. Je pense à mes frères qui ont plus de 30 ans et qui vivent pire que moi. C'est compliqué d'écrire à quel point on se sent seul. Cette prod c'est comme ma vie, elle est triste et belle. Face à ce verre vide dans lequel j'tise mes peines. Au-dessus de la ville, j'vois le bon caprice est faible. Plus rien n'est jamais bon, mais là j'écris, est vrai. Cette prod c'est comme ma vie, elle est triste et belle. Face à ce verre vide dans lequel j'tise mes peines. Au-dessus de la ville, j'vois le bon caprice est faible. Plus rien n'est jamais bon, mais là j'écris, est vrai. J'avais trouvé ma fée, hey. J'avais trouvé mes ailes. J'avais trouvé ma clé, hey. J'avais trouvé ma belle, ma belle, ma belle. J'avais trouvé ma fée, hey. J'avais trouvé mes ailes. J'avais trouvé ma clé, hey. J'avais trouvé ma belle, ma belle, ma belle.